Section 8 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 2. La guerre de 100 ans. Première partie. 1328-1380. Deuxième sous-partie, Règne de Jean le Bon, par Alfred Coville. Jean II, dit le Bon, a succédé le 22 août 1350 à Philippe VI, son père. Ce roi, si malheureux, a été souvent fort maltraité par les historiens. Ils en ont fait un personnage vicieux et haïssable. On a dit fort sagement « Il a été l'homme de son temps et voilà tout son malheur. Il était prompt au courroux, mais généreux autant que brave, d'une loyauté à toute épreuve et pénétré des grands desseins de sa race. Brave il l'était en effet. Depuis l'âge de 18 ans, il avait combattu en Flandre, en Bretagne, en Guyenne. Généreux, il avait su l'être à l'égard de ses ennemis dans maintes rencontres. Politique, il semblait l'être, ayant négocié avec le pape à Avignon, s'étant marié deux fois par intérêt dynastique. Et ses premiers actes ne démentent pas ce caractère. Oubliant un passé douloureux, il fait élargir le fils de Robert d'Artois. Il veut réunir autour de lui la famille royale pour mieux résister à l'ennemi commun. Il s'efforce d'être prêt pour la reprise des hostilités qui paraît prochaine. Roi depuis la fin d'août, il est en décembre à Avignon, en janvier aux États de Languedoc à Montpellier, en février à ceux de Languedoil à Paris. Mais ses qualités sont compromises par de graves défauts. Il est prompt à la colère et à la violence, excessif dans ses haines et ses amitiés. Témoin ce Raoul II, connétable de France, plaisant, joli et léger, qu'il fit tuer mystérieusement en l'hôtel de Nesle, et ce Charles d'Espagne, qu'il comblait au contraire de générosité excessive, amore disordonato. Surtout, il était chevaleresque de la façon la plus exagérée et la plus dangereuse. Il fonda l'ordre de l'étoile sur le modèle de la table ronde. Le roi Jean fut secondé ou suppléé dès 1356 par son fils aîné et héritier, le dauphin Charles, le futur Charles V, alors âgé de 20 ans. Cet enfant faisait avec son père un vivant contraste. Il était maigre, pâle et chétif, le visage longuet, les joues osseuses. Son esprit était sérieux et réfléchi, ennemi des chimères. Dans les premières années du règne paternel, il traversait une crise physique mystérieuse. Depuis l'âge de 13 ans, il était marié à Jeanne de Bourbon, encore enfant. On l'accuse de n'avoir point été brave, d'avoir à peine paru au combat de 1355 et 1356, et, depuis, d'être resté d'ordinaire recueil en ses riches palais. En somme, le roi Jean était un bon chevalier, mais un roi médiocre. Son fils annonçait un médiocre chevalier, mais un homme d'études et un politique. Le prince noir est Charles le Mauvais. Tous deux vont trouver devant eux des adversaires nouveaux. C'est d'abord le prince de Galles, le prince noir, ainsi nommé pour la couleur de son armure, un des héros de Froissart, à la fois chevaleresque comme Jean le Bon, prudent et habile comme son père Édouard III. À Bordeaux, il tenait cour brillante avec les dames. À Poitiers, on le verra adroit à tirer parti de toutes les circonstances d'une bataille. À Limoges, cruel froidement par système. Ce fut toujours un adversaire loyal et courtois. C'est dans la famille royale que surgit l'ennemi le plus perfide du royaume de France, Charles le Mauvais. Arrière-petit-fils, comme Jean le Bon, de Philippe le Hardi, il était de plus, par sa mère, petit-fils de Louis le Hutin. Par les femmes, il était plus près de la couronne que les Valois. On a voulu voir en lui un grand calomnier, une victime des Valois. À vrai dire, c'était la perfidie en personne. Il était petit, l'œil vif, le regard chatoyant, avec une faconde intarissable, une intelligence merveilleusement active dans le mal. Il avait, au fond de son hôtel, une pharmacie pour ses secrètes besognes. Au reste, il était puissant et riche, roi en Navarre, comte d'Évreux, possesseur de grands domaines en Basse-Normandie. Le roi Jean lui donna sa fille aînée, le nomma en 1351 gouverneur du Languedoc. Il voulait davantage, réclamait de l'argent, la Champagne, mais en vain. Il se vengea en faisant assassiner presque sous ses yeux le favori du roi, Charles d'Espagne, 1354. Il écrivit de tous côtés, même à l'université de Paris, pour se vanter de ce meurtre, et entra en négociation avec le duc de Lancastre et les Flamands. Jean le Bon pardonna très vite, donna de nouvelles terres, éleva à la pairie le comte d'Évreux. Le roi de Navarre le remercia en s'efforçant d'entraîner le dauphin dans un complot organisé pour jeter le roi en prison, peut-être le faire mourir. Il y eut encore pardon, donné et reçu avec une égale hypocrisie. En février 1356, le dauphin, duc de Normandie, vient dans son duché recevoir l'hommage de ses barons. Il rencontre une hostilité plus ou moins franche des plus puissants d'entre eux, de la maison d'Harcourt. Le comte Jean d'Harcourt prononce aux états de Vaudreuil plusieurs orgueilleuses et injurieuses paroles contre le roi. La main de Charles le Mauvais est dans tout cela. Aussi, un coup de théâtre se produit. Les 5 et 6 avril, le dauphin tenait sa cour à Rouen et donnait à manger au roi de Navarre, au comte d'Harcourt et aux principaux seigneurs normands. Le roi Jean, que l'on croyait à Paris, parut à l'improviste dans la salle, fit saisir une partie des convives. Le comte d'Harcourt fut pendu, le roi de Navarre conduit et enfermé au château d'Arleux, en Picardie. Le roi avait fait là un acte de violence inouïe et maladroite. Philippe de Navarre et Godefroy d'Harcourt prirent les armes et appelèrent de nouveau Édouard III. C'est une nouvelle guerre se joignant à la guerre anglaise, la guerre navarraise. Les États généraux de 1355, Étienne Marcel. Depuis l'été de 1355, les dangers d'invasion étaient redevenus très grands. Les conférences de Guînes, en 1354, n'avaient plus donné la paix. Les trêves expiraient en juin 1355. Une triple attaque, combinée cette année-là, entre le duc de Lancastre en Bretagne, le prince noir au sud, Édouard III lui-même au nord, ne donna de résultat qu'au midi. Tout annonça une attaque plus sérieuse pour l'année suivante. Or, plus la guerre s'étendait, plus les ressources diminuaient en France. Le trésor royal était vide. Les États provinciaux de divers pays avaient accordé, au début de 1355, des subsides qui suffisaient à grand-peine à la défense locale. Au mois de juin, l'arrière-ban, qui n'était plus qu'une mesure financière de dernière extrémité, avait été créé. Le 26 septembre, le roi avait sursis pour 6 mois au paiement de ses dettes. Il n'était pas possible d'altérer davantage les monnaies. 81 ordonnances les avaient modifiées depuis 1350. La livre tournois, qui représentait encore 17 francs 36 d'argent en 1336, était tombée à 1 franc 73. Il n'y avait qu'une espérance, les États généraux. Ils furent réunis le 2 décembre 1355. Toute la langue d'Oyle y était représentée. Le roi vint à l'ouverture. Les députés déclarèrent qu'ils étaient tous prêts de vivre et de mourir avec le roi et de mettre corps et avoir en son service. Celui qui fit cette déclaration au nom des bonnes villes était le prévôt des marchands, Étienne Marcel. C'était un drapier, ce qui veut dire qu'il appartenait à l'aristocratie bourgeoise de Paris. Sa famille tenait, par des liens de parenté, à ce monde de financiers bourgeois, enrichi par les malheurs du roi, dont Marcel devait être l'ennemi acharné. En 1355, il avait au moins 40 ans. Son commerce de draperie le mettait en relation constante avec la Flandre. Il devait avoir une grande admiration pour les communes flamandes et leur indépendance. Les miniatures qu'il représente se contredisent. Sa figure reste mystérieuse. Les ressorts intimes de son âme ne le sont pas moins. On devine qu'il ne fut guère éloquent, laissant volontiers à d'autres le soin de prêcher et d'entraîner. Il était hardi, décidé, ambitieux. Il y avait chez lui de l'emportement et de la violence, une singulière aptitude à diriger et dominer. Au fond, nous le connaissons mal. Il entre trop brusquement dans l'histoire et en sort trop vite. Les séances des États sont également mal connues. Mais l'ordonnance du 28 décembre 1355 qui en résulte est capitale. C'est l'acceptation d'une sorte de contrat. Les États promettent un subside, le roi ordonne des réformes. Le subside est une imposition de 8 deniers pour livre sur toute marchandise vendue et une gabelle sur le sel. Tout le monde paiera. Il n'y a pas de privilège devant l'impôt des États. L'administration et la recette du subside appartiennent uniquement aux États, à leurs représentants. Ils ont accordé l'impôt, ils le gouverneront à l'aide de députés dans chaque pays, de superintendants généraux à Paris, de receveurs particuliers et de receveurs généraux. De l'argent reçu, rien n'ira au roi ou à ses officiers. Seuls les délégués des États procéderont au paiement. Ce n'est pas tout. Les États entendent exercer efficacement le pouvoir qu'ils se sont arrogés. Ils se réuniront dans 3 mois pour constater l'exécution, dans 1 an pour régler leurs comptes. En échange de ce concours pécuniaire, le roi répond aux griefs des États par des réformes. Toute l'administration royale subira le contre-coup de l'octroi du subside. Parmi les réformes, il y a de graves concessions. Les États débordent sur l'administration royale. Ils interviennent dans le règlement des monnaies. L'arrière-ban se fera sur leur conseil. Leurs délégués organiseront les troupes royales, recevront les montres et paieront. Bien plus, la royauté étant impuissante à faire la police du royaume, le peuple lui-même la fera. Le droit de coalition et de résistance armée est reconnu contre les officiers royaux qui voudraient accaparer l'argent de l'impôt, contre ceux qui exerceront indûment le droit de prise, contre les ravages des mercenaires royaux. Une sorte de souffle démocratique pénètre cette ordonnance. Tout est ordonné par amour pour les pauvres gens. Le secours de la justice est assuré à tous ceux qui souffriront des excès et des abus. Des articles veillent à la sécurité du labourage en interdisant les garennes, au salaire des ouvriers en étendant à tout le royaume les ordonnances du roi sur les métiers. Toutes les ordonnances des années suivantes ne seront que le développement de celles-ci. Poitiers. Quelques mois après les États, le coup de théâtre de Rouen, l'emprisonnement du roi de Navarre et la pendaison du comte d'Harcourt ouvraient la Normandie aux Anglais. Le prince de Galles, dans une brillante chevauchée d'octobre à novembre 1355, avait poussé jusqu'à la Méditerranée. Il voulait, en 1356, faire mieux encore, traverser tout le royaume et venir de Bordeaux donner la main aux Anglo-Navarrais de Normandie. Il partit de Bordeaux en juillet par le Poitou. Pour l'arrêter, le roi Jean avait réuni une grosse armée, de tous côtés, de France, d'Allemagne, d'Écosse. Les hommes d'armes étaient venus à Chartres. Les Français étaient supérieurs en nombre, 40 à 50 000 hommes contre 12 à 14 000 Anglais. La rencontre eut lieu à Maupertuis, à 2 lieues au sud-est de Poitiers, le 19 septembre. Les Anglais étaient retranchés sur la hauteur, tandis que les Français s'étendaient dans la plaine. Le prince de Galles s'attendait si peu à la victoire qu'au dernier moment, il fit des propositions de paix très avantageuses pour pouvoir se retirer. Elles furent repoussées. 2 grosses fautes furent faites dans la journée. Le roi Jean fut attaqué par la cavalerie des hommes d'armes dans un étroit ravin. Puis, quand cette colonne d'attaque fut culbutée, quand les Anglais se précipitèrent dans la plaine, le roi fit mettre pied à terre à ses chevaliers. Après ces fausses manœuvres, la bataille était perdue. Chandos avait dit au prince noir : « Sire, chevauchez avant, la journée est vôtre. Adressons de vers votre adversaire, le roi de France, car celle part gît tout le fort de la bataille. Bien sait que par vaillance il ne fuira point. » Le roi Jean resta, en effet, à pied, faisant tourner sa hache d'armes. À la fin, il dut se rendre, lui et son fils Philippe. À 3 heures, tout était fini. Les pertes étaient grandes. Et ce fut là morte toute la fleur de chevalerie de France. Le prince de Galles ne continua pas sa route. Il revint à Bordeaux, mettre son précieux prisonnier en sécurité, tout en lui faisant grand honneur. Le roi Jean, le 24 mai 1357, fit son entrée dans Londres, au milieu d'une foule immense. Le lendemain de Poitiers, Étienne Marcel et Robert Lecoq. Au lendemain de ce désastre, le royaume mena grand deuil et ressentit une sourde colère. À la fin de la bataille, il y avait eu panique. Les hommes d'armes avaient fui honteusement. Ils tendaient leur épée sans combattre, se rendaient à des valets. Lorsque les bourgeois de Poitiers virent arriver les fuyards, ils leur fermèrent les portes. Au milieu de ces dispositions sombres et inquiètes, le gouvernement royal était représenté par les fils de France. De mauvais bruits circulaient sur eux. Ils auraient abandonné la bataille avec 800 lances. Froissart dit qu'ils le firent par conseil, parce qu'ils étaient, à ce temps, moult jeunes et de petit avis. Le dauphin, duc de Normandie, lieutenant du roi dans le royaume, fut aussitôt aux prises avec des complications terribles. Une puissance s'éleva à côté de la sienne, celle d'Étienne Marcel. Après Poitiers, le prévôt avait montré quelques grandeurs. Il avait entrepris des travaux de défense considérables, avec une singulière activité, fait creuser des fossés et élever des murs, bastilles, remparts ou guéris, occupé 300 terrassiers ou maçons et dépensé près de 200 000 livres. Le dauphin réunit le 16 octobre les états généraux pour en tirer la rançon du roi et l'argent de la guerre. Dans cette assemblée de 800 députés, les difficultés, les hostilités commencèrent. Marcel, puissant dans la bourgeoisie, apparut dès lors exigeant, audacieux en face du pouvoir royal, découronné et affaibli. Il fut soutenu par un grand dignitaire de l'Église, l'évêque de Laon, Robert Lecoq, un Picard, d'abord avocat, puis conseiller clerc au Parlement du roi, devenu le mauvais génie de ses années troublées, le meneur caché de toutes ses agitations, faisant uniquement le jeu du roi de Navarre, auquel il sembla vendu par quelque pacte mystérieux. Il devait avoir une ambition extrême, inquiète. Il était éloquent, mais emporté, sans mesure dans son langage. Les résistances du dauphin, les efforts des États pour accaparer le gouvernement, les témérités de Marcel, la perfidie du roi de Navarre et de ses partisans, qui ne visent rien moins qu'à la couronne de France, vont remplir misérablement deux années de fêtes entassées et compliquées. Les États réunis se trouvèrent trop nombreux pour délibérer avec fruit. Ils procédèrent par délégation et choisirent un conseil de direction de 80 membres. Ce furent ces délégués qui travaillèrent. Cela dura 15 jours, tant qu'il ennuyait à plusieurs. Le secret était gardé avec soin, même contre le dauphin. Il apprit tout au moins que les États prétendaient punir et frapper ses principaux conseillers, lui en imposer d'autres, délivrer le roi de Navarre toujours prisonnier. Ce n'était qu'une partie des exigences qui devaient être publiées en séance solennelle. Alors le dauphin prorogea les États. Il prétendit que de graves affaires sollicitaient toute son attention. Les députés devaient retourner dans leur pays, on les rappellerait. Les mécontents, Robert Lecoq en tête, se réunirent encore une fois. Ils publièrent les articles préparés par les États. Le dauphin devait être entouré et dominé par trois conseils issus des États, conseil de tutelle, conseil de gouvernement pourvu des pouvoirs de réformation et conseil de guerre. Les officiers qui déplaisaient aux États devaient, par mesure de salut public, être mis hors de leurs offices. Si le projet avait pu réussir, c'était tout le pouvoir, tout le gouvernement passant aux États et à leurs délégués. C'est ce qui a été inventé de plus hardi sous l'ancienne monarchie. Les États généraux de 1357. Délivré de ce danger en janvier 1357, le dauphin alla à Metz chercher le secours de l'empereur Charles IV, son oncle, à la fois contre les ennemis du dehors et les adversaires du dedans. Il obtint beaucoup de promesses et quelques hommes d'armes. À son retour, toujours sans ressources, il dut rappeler, pour le 5 février 1357, les États généraux. Ils furent alors au comble de leur puissance. Marcel a fait prendre les armes aux Parisiens. Les métiers cessent. Les principaux officiers royaux sont arrêtés et enfermés. Les États généraux, moins nombreux que les précédents, siégèrent et travaillèrent un mois. Le 3 mars 1357, ils présentèrent leurs requêtes, qui devinrent la grande ordonnance en 67 articles, véritable monument dans l'histoire de notre droit public. Les États ont promis pour un an un impôt sur le revenu des gens d'église et des nobles, un impôt de répartition dans les villes et dans les campagnes. Ces subsides sont établis, perçus, dépensés, contrôlés par les États. À cet effet, ils se réuniront trois fois dans l'année, même sans convocation. En échange, ils exigent beaucoup. L'épuration des offices royaux, la suspension de tous les officiers, l'établissement de 9 réformateurs généraux, une réorganisation du Conseil royal avec des éléments nouveaux pris dans l'Assemblée, la restauration du domaine tel qu'il était sous Philippe le Bel, la réduction des hôtels royaux, une réforme du Parlement, de la Chambre des comptes, des requêtes de l'hôtel, la diminution du nombre de sergents, la suppression des fermes des prévôtés, un meilleur fonctionnement de la justice, des mesures de police contre les guerres privées, contre les excès des soudoyers et hommes d'armes, l'armement de tous les sujets selon leur état, enfin, la suppression d'un grand nombre d'abus divers. Pour les monnaies en particulier, aucun changement ne pourra être fait sans leur avis. Plus sage que les requêtes des États en 1356, cet acte célèbre respectait le pouvoir du dauphin, son conseil, son gouvernement. Même dans ses limites relativement modérées, ces conquêtes ne devaient pas durer plus que les précédentes. Elles étaient faites à la faveur des pires malheurs que le royaume eût subis, elles étaient la conséquence de la défaite. Une telle origine était mortelle. Le gouvernement par la parole. Les États, trop souvent réunis aux sessions d'avril et de juillet, perdent leur importance et leur autorité. Vainement, pour échapper à la tutelle de Marcel, le dauphin quitte Paris et va demander de l'argent aux Normands. Il accepta de revenir en octobre 1357 et rentra sous le joug. Il rappela encore les États au mois de novembre. C'est alors que, pour comble de malheur, une trahison rend la liberté au roi de Navarre. Éloquent et populaire, il vient aussitôt se mêler des troubles de Paris. Allié de Marcel, il l'entraîne. C'est Robert Lecoq qui désormais dirige et ordonne tout. La cause de Charles le Mauvais remplace celle des États. Ceux-ci, plusieurs fois prorogés, ne tardèrent pas à disparaître. Dans cette confusion apparaît une tentative curieuse et nouvelle, le gouvernement par la parole. Le peuple de Paris devient comme le juge ordinaire de toutes ces querelles. On s'adresse à lui. Les princes eux-mêmes le prêchent à tour de rôle. Ce sont de vraies mœurs révolutionnaires. Le roi de Navarre avait eu de grands succès oratoires. Le dauphin imita ses ennemis. Comme eux, il allait parler au peuple dans les assemblées. Il y fut écouté et applaudi. Il commença une conversion que hâtèrent les excès des Navarrais et la situation fausse de Marcel. Mais ces procédés nouveaux amenèrent les violences. Le sang fut versé, c'était dans la logique des événements. Le 22 février 1358, les deux maréchaux de Normandie et de Champagne furent tués sous les yeux du dauphin par une sorte d'exécution populaire à laquelle présida Marcel. Le dauphin en resta ébahi, se laissa imposer le titre de régent, dont fut le nom du roi tout éteint. Puis, un beau jour, s'échappa afin de reconquérir la capitale à l'aide du royaume. Mars 1358. Marcel, effrayé, après s'être longuement justifié, s'unit plus intimement encore avec le roi de Navarre. Il y avait alors guerre partout. Le dauphin, hors Paris, organisait la lutte contre Marcel. Il réunissait des États provinciaux à Senlis, à Provins et à Vertus, des États généraux à Compiègne. Au prix des concessions modérées, il obtenait des promesses de fidélité et de l'argent. Aux États de Compiègne, on vit Robert Lecoq au nid et obligé de fuir. Le dauphin recommence à parler en maître à ses adversaires. Il a une armée sur les champs. Il est installé à Montereau et à Meaux. Marcel sent que le temps des paroles est passé. Il fait des emprunts, fortifie Paris, se pourvoit d'artillerie, s'établit au Louvre, soudoie des hommes d'armes, cherche à resserrer ses alliances. Charles le Mauvais a mobilisé ses forces. Lui aussi a des hommes d'armes sur le plat pays. Ils occupent de nombreuses places entre France et Normandie, dans le comté d'Évreux. De plus, les Anglais sont toujours là. Ils tiennent le pays à l'ouest de Paris, ils parcourent le Poitou et la Picardie. Ils sont maîtres de la Seine jusqu'à Poissy. Voici enfin qu'au nord du royaume, les campagnes s'agitent et se soulèvent. La jacquerie. C'est la jacquerie. Les paysans de Ponthieu, de l'Amiénois, du Beauvaisis, de la Champagne, de l'Île-de-France avaient pris les armes. Ils étaient exaspérés par la misère. Cette misère était l'œuvre des bandes armées qui désolaient le plat pays. Après Poitiers, il se forma des compagnies pour l'exploitation des pays de France. Contre ses ennemis, nulle protection. La noblesse n'y peut rien, elle ne défend pas ses hommes, elle les exploite. Beaucoup de seigneurs ont été faits prisonniers. Pour leur rançon, ils s'adressent aux Juifs et aux Lombards. Et c'est le paysan qui paye. Souvent même, les nobles se font complices des bandes armées. C'est contre eux que se lèvent la haine et la révolte. Comme pour faciliter les soulèvements, les ordonnances imposées par les États ont permis les coalitions, ont établi un véritable droit d'insurrection. Cela commença en Beauvaisis, dans les derniers jours de mai 1358. Les paysans cherchèrent à s'organiser. Ils prirent un chef, Guillaume Carle, qui eut son sceau et sa bannière. En quelques jours, ces Jacques deviennent très redoutables dans la vallée de l'Oise. Senlis leur ouvrit ses portes. Des soulèvements du même genre se produisirent en même temps dans le pays de Caux, à Amiens, autour de Montdidier, dans tout le sud de la Picardie, en Champagne. On les appelait des effrois. Un historien récent a trouvé l'indication de 159 localités réparties sur 12 départements où de pareils effrois eurent lieu. Marcel et les bourgeois de Paris n'ont pas provoqué la jacquerie, mais quelques jours après que le soulèvement eut éclaté au nord de Paris, ils concertèrent leurs opérations avec les paysans. Une véritable jacquerie fut organisée autour de Paris, régulière, méthodique, pour la destruction et le pillage de châteaux. Une expédition commune fut conduite à Ermenonville. Mais il fallut presque aussitôt abandonner les Jacques du Beauvaisis pour répondre à l'appel de ceux de l'abri. Le dauphin avait installé au marché de Meaux, dans une île de la Marne, ce qu'il avait de plus précieux, sa femme, sa sœur, un grand nombre de nobles dames et demoiselles. La garde était insuffisante. Le maire et les habitants de Meaux trouvèrent l'occasion bonne. Ils appelèrent les gens de Paris. Tous les paysans des environs furent levés et armés. Ils commençaient l'attaque. On entendait les cris des nobles dames quand un secours inattendu survint. Gaston de Foix et le captal de Buche, revenant de Prusse, passaient par là. Ils vinrent facilement à bout de ces troupes rustiques. Les Jacques furent écrasés. Il y eut une véritable boucherie. La ville de Meaux fut pillée et brûlée. L'incendie dura 15 jours. Toutes les campagnes voisines qui avaient envoyé leurs paysans furent dévastées. En même temps, Charles le Mauvais attaquait les Jacques du Beauvaisis, s'emparait de Guillaume Carle et détruisait sa petite armée. Alors, des représailles terribles commencèrent. Les nobles firent pique les Jacques. Le cri général était « mort aux vilains ». Les premiers effrois avaient eu lieu à la fin de mai. Avant le 24 juin, 20 000 paysans avaient été tués entre Seine et Marne. Fin d'Étienne Marcel. Restait Paris, Marcel, le roi de Navarre. Celui-ci, établi capitaine de Paris, se livrait en même temps aux intrigues les plus variées, négociant avec le régent, se refusant à attaquer les troupes royales, préparant d'autre part un traité avec Édouard III pour le démembrement du royaume. Le prévôt lui restait fidèle, inconscient ou dominé. Tous deux laissaient les Anglais s'établir à Poissy, à Saint-Cloud, faisaient entrer à Paris des auxiliaires anglais, les pires ennemis de leur droit seigneur, que la population, indignée, maltraita à plusieurs reprises. Marcel dut les faire sortir secrètement. C'était à la fin de juillet 1358. Paris était là, affamé, bloqué par les 30 000 hommes du dauphin. Une sortie sur Saint-Cloud fut désastreuse. le prévôt fut fortement hué et blâmé. On appréhendait un traité définitif entre Charles le Mauvais et le roi d'Angleterre. Alors, le 31 juillet, dans la soirée, tandis qu'il allait aux portes changer les gardes et se faire remettre les clés, Marcel fut tué par Jean Maillard et les portes s'ouvrirent à l'armée royale. Marcel était-il d'accord avec le roi de Navarre pour appeler les Anglais? Cela a été fort discuté. Il faut écarter l'idée d'une haute trahison consciente, cynique, un passage à l'ennemi comme on le jugerait aujourd'hui. Marcel était un rebelle. C'est là son vrai nom. Entraîné par les fêtes, par les intrigues navarraises dont il fut victime. À une révolte ouverte contre le régent, devenu son ennemi à jamais, il dut songer à cet expédient de tout rebelle, changer le gouvernement de main. Pour cela, il se servit de tous les moyens et il en mourut. Lorsque le régent fut rentré dans sa capitale, les exécutions commencèrent. Elles furent sans pitié, mais ne durèrent pas. À partir du 10 août, des lettres de rémission et d'abolition effacèrent ces tristes souvenirs. Quant au roi de Navarre, il n'eut d'autre ressource que de signer précipitamment avec les Anglais, le 1er août, un traité qui lui donnait la Champagne et reconnaissait Édouard III comme roi de France. Le régent, trempé par ses rudes années, l'attaqua vigoureusement. Le siège de Melun par l'armée royale amena Charles le Mauvais à faire sa paix, à Pontoise, le 21 août. Les difficultés intérieures étaient en grande partie résolues. La guerre étrangère continua. La guerre anglaise, paix de Brétigny. De tous côtés erraient ou s'établissaient dans les lieux forts des bandes anglaises. Toute la région autour de Paris, toute la Normandie, la vallée de la Loire en était infestée. Comme dit la chronique des quatre premiers Valois, moult de gens en furent mis à mort, maintes pucelles corrompues, maintes prudes femmes violées, maintes bonnes personnes détruites et gâtées, maintes églises, maintes villes et maintes maisons arses et brûlées, et maints enfants en devinrent orphelins et pauvres mendiants. Le roi Jean avait préparé à Londres le 24 mars 1359 un traité connu sous le nom de Préliminaire de Londres. Les 45 articles de ce projet étaient désastreux. Nous cédions la Normandie, la Saintonge, la Genêt, le Bigorre, le Périgord, le Limousin, le Quercy, le Poitou, l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Ponthieu, Guînes et Boulogne, la suzeraineté de la Bretagne, et cela sans le moindre lien féodal, plus une rançon de 4 millions d'écus d'or. Quand il reçut le projet, le dauphin en appela aux États. Le 25 mai, ils répondirent que cela n'était ni passable ni faisable. Les préliminaires de Londres repoussés, il n'y avait plus qu'à combattre. Tandis que le dauphin préparait la défense, négociait jusqu'en Danemark une descente en Angleterre, que les États faisaient sans plainte à leur session de juin 1359, les derniers sacrifices d'argent, Édouard III venait prendre la direction de son armée à Calais, après avoir enfermé le roi Jean à la tour de Londres et appelé aux armes tous les hommes valides de son royaume, de 20 à 60 ans. Il avait 6000 chariots avec lui. En Picardie, le pays était si désolé qu'il fallut tout emporter pour faire vivre l'armée. Édouard III s'en alla vers l'est, mettre le siège devant Reims. Il y resta 7 semaines sans pouvoir y entrer. Puis il continua par le sud-ouest, passa à 2 lieues de Paris, sans trouver une grande ville à prendre, ni une armée à vaincre. C'est en arrivant vers Chartres qu'il se décida à faire la paix. Un de ces grands orages qui éclatent souvent sur le plateau de Beauce amena, paraît-il, le roi anglais aux idées pacifiques. Il faut ajouter qu'une descente heureuse venait d'être faite par les marins normands sur la côte anglaise, au grand effroi de tout le pays. Alors, les pourparlers pour le traité avaient commencé le 27 avril 1360 au village de Brétigny. Ils durèrent plus de 8 jours. Le projet de traité, arrêté le 8 mai, fut accepté par les deux rois à la tour de Londres le 14 juin, et enfin l'instrument définitif fut signé entre le roi Jean et le prince de Galles à Calais le 24 octobre. De ce jour, le roi de France fut en liberté. Le traité était bien moins dur que les préliminaires de Londres. Le roi d'Angleterre prenait Guînes, le Ponthieu, le Poitou, la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin, le Périgord, la Genêt, le Quercy, le Rouergue, le Bigorre. La rançon n'était plus que de 3 millions d'écus d'or. Des princes de grands barons devaient être livrés en otage jusqu'à parfait paiement. Ce traité, souvent mal jugé, était douloureux, mais nécessaire. Le nord du royaume était au dernier point de la misère. Les contemporains ne l'ont pas tous compris. Au milieu de la joie populaire, il y eut des mécontents. Ce qui est le plus touchant, ce sont les résistances du Midi, la colère des seigneurs et des villes qui passaient sous la domination anglaise. Les habitants de La Rochelle supplièrent le roi de rester leur seigneur et qu'ils avaient plus cher à être taillés tous les ans de la moitié de leur chevance que ce qu'ils fussent ès-main des Anglais. « Nous avouerons les Anglais, des lèvres, dirent-ils, mais le cœur ne s'en mouvra jamais. » La rançon du roi Jean, sa mort. Rentré dans son royaume, le roi Jean n'eut plus qu'un souci, acquitter l'énorme dette de sa rançon. Tous les impôts cessèrent pour laisser la place à l'aide féodale. Des emprunts furent faits aux villes. Jean vendut sa chair, mariant sa fille à Jean Galéas Visconti de Milan, argent comptant. Les papes Innocent VI et Urbain V prêtèrent leur concours. L'infortuné roi de France fit coudre sur son épaule la croix rouge pour toucher les décimes de la croisade. Il alla lui-même négocier à Avignon. Tout cela fut insuffisant. Bien plus, un des otages, le principal, le duc d'Anjou, fils du roi Jean, qui avait obtenu de séjourner à Calais, rompit sa parole et s'enfuit. Édouard III le cita devant lui. « Parmi ceux, écrivait-il, vous avez moult blémi l'honneur de vous et de votre lignage. » Jean pensa de même, et il alla prendre la place de son fils. Édouard III fut surpris et admira. « Moult souvent, disait, que oncle si loyal n'avait vu comme son frère Jean. » Le roi de France tomba malade au printemps. Il mourut le 8 avril. La mort, qui n'épargne nul, prit son truage sur le roi Jean. Le 8 mai, il fut enseveli à Saint-Denis. Fin de la section 8.